Section 57 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Deuxième partie, chapitre 26. Charlotte n'était pas dans des dispositions où l'on se laisse dominer par la curiosité. C'était à bout de force qu'elle avait pris sa terrible résolution, car pendant longtemps, elle l'avait jour et nuit, sans un instant de repos, balancée dans sa tête. En ne pensant qu'à elle seule, il n'y avait pas d'hésitation possible. La mort serait la délivrance, ce serait fini, plus d'angoisse, plus de honte, elle échapperait au dégoût qui la suffoquait, elle ne se verrait plus. Mais, en pensant à son mari, cette mort qui tranchait tout ne s'était plus présentée de même. À qui allait-il être livré, le malheureux ? Il n'avait que des parents éloignés, qui n'avaient pas pour lui une bien vive amitié. Les uns le plaindraient, mais ne s'occuperaient pas de lui. Les autres, elle le savait pour les trop bien connaître, ne verraient dans sa maladie qu'une occasion favorable pour mettre la main sur sa fortune. Que deviendrait-il, placé entre l'indifférence de ceux-ci et la cupidité de ceux-là ? Quel serait son sort ? Retenue dans l'établissement du docteur Bergeresse, la maladie qu'on disait en ce moment guérissable deviendrait sans doute incurable. Il vivrait, il mourrait fou. Si contre toute espérance il recouvrait un jour la santé, quel coup ne recevrait-il pas en rentrant dans la maison et en n'y trouvant plus celle qu'il avait tant aimée ? Sa raison à peine affermie ne succomberait-elle pas, de nouveau ? Ne succomberait-elle plus sûrement s'il y trouvait une femme coupable et un enfant dont il ne pouvait pas être le père ? Lorsqu'on a agité pendant de longues journées de fièvre et dans des nuits sans sommeil de pareilles pensées, et lorsqu'enfin l'esprit bouleversé, le cœur broyé, on s'est décidé à mourir, on n'ouvre pas facilement ses oreilles et encore moins son âme à la voix qui veut vous arrêter, vous ramener en arrière. Pour que cette voix vous frappe, il faut qu'elle soit bien puissante et que ses paroles soient ou bien fortes ou bien habiles. Telles avaient été celles de Georges. Tant qu'il avait voulu démontrer à Charlotte par une série de raisons, plus ou moins probantes, qu'elle ne devait pas se tuer, elle l'avait à peine écouté. Tout ce qu'il lui disait là, elle se l'était dit et répété. Mais ses derniers mots et surtout son brusque départ avaient produit sur elle un effet que les arguments les plus éloquents eussent été impuissants à provoquer. Que signifiaient ces mots énigmatiques ? Que voulait-il lui proposer ? Que voulait-il faire ? Quelque nouvelle infamie, sans doute. Mais que ce fût ou ne fût pas une infamie, elle avait abandonné le présent pour entrer dans l'avenir. Elle avait cherché et son esprit avait été ainsi arraché aux étreintes de l'idée fixe qui le dominait. Pendant toute la nuit, marchant dans sa chambre, elle avait examiné toutes les possibilités qui se présentaient à sa pensée, mais sans pouvoir se fixer à aucune. Que pouvait-il contre un fait ? Toutes les habiletés n'empêcheraient pas que ce fait existât. Elle était enceinte. Que voulait-il ? Quelquefois, elle s'arrêtait et se rejetait brusquement en arrière, comme si elle venait d'apercevoir un gouffre au bord duquel elle se trouvait près de tomber. Lorsque la femme de chambre entra le matin à l'heure ordinaire dans son appartement, elle la trouva endormie sur une chaise, les bras ballants, la tête inclinée sur la poitrine. Au bruit que fit la porte, Charlotte s'éveilla et poussa un cri. « Madame ne s'est pas couchée ? » dit la femme de chambre. « Que voulez-vous ? Laissez-moi. » La femme de chambre tourna un moment dans la pièce, puis, au lieu de sortir, elle vint se placer devant sa maîtresse. « Je voulais expliquer à madame comment M. Saffarel a pu pénétrer hier jusqu'à elle. Quand M. Saffarel est entré, je lui ai dit que madame était sortie. Mais il m'a répondu qu'il avait vu de la lumière dans la chambre de madame et que je le trompais. Puis, comme je me tenais devant la porte, pour lui barrer le passage, il a ouvert la porte du corridor de service et j'ai été si syncopée que je n'ai pas pensé à le retenir. J'ai couru après lui, mais il était trop tard. M. Saffarel était déjà dans le cabinet toilette. Je tenais à dire cela à madame, afin qu'elle sût bien qu'il n'y a pas de ma faute. » Charlotte n'aimait pas les longues explications, et elle ne les supportait pas ordinairement chez ses domestiques. Cependant, elle écouta celle-ci avec attention. « Elle ne voulait pas le voir, » se dit la femme de chambre en sortant, « ce qui n'empêche pas qu'elle ait bien aise de l'avoir vue. Mais c'est égal, je voudrais bien savoir pourquoi elle ne s'est pas couchée. » Et cette question fut un objet de discussion pour les domestiques. Il y avait là quelque chose d'étrange qui les intriguait. La cuisinière, qui était sentimentale, soutenait que si madame était triste, c'était à cause de la maladie de monsieur. Elle aimait son mari. Le valet de chambre, qui était bellâtre, déclara de son côté que si madame ne s'était pas couchée, c'était parce que monsieur Georges l'avait plantée là. Il savait, lui, par expérience, quel peut être le chagrin d'une femme que son amant abandonne. Quant à la femme de chambre, son usage du monde et sa connaissance des passions lui faisaient admettre ces deux opinions contraires. Madame aimait monsieur, cela était certain, mais en même temps, il était bien probable qu'elle aimait aussi monsieur Georges. Ces choses-là, prétendait-elle avec autorité, se voient tous les jours, de sorte que ce grand désespoir pouvait bien être causé et par la maladie du mari et par les reproches de l'amant. Comme ils se querellaient, sans se mettre d'accord, un commissionnaire apporta une lettre dont la femme de chambre reconnut l'écriture. « Les hommes qui plantent là les femmes sont rares, » dit-elle, en se tournant vers son camarade mâle. « Voilà une lettre de monsieur Georges. Il revient et demande son pardon. Nous connaissons ça. » C'était en effet une lettre de Georges. Charlotte l'ouvrit en déchirant l'enveloppe de ses mains impatientes et nerveuses. Elle ne contenait que quelques lignes. « Veuillez ne pas sortir aujourd'hui avant de m'avoir vue. Je compte être chez vous vers 2 heures. Si contre toute prévision je me trouvais en retard, je vous prie de m'attendre. Vous comprendrez alors que je ne vous ai point donné une vaine espérance. Le possible, l'impossible, je l'aurais fait pour vous. Heureux de vous montrer que je suis tout à vous. Georges Saffarel. » Elle relut cette lettre, mais l'eut-elle lue 20 fois, elle n'y eut jamais trouvé que la même chose, c'est-à-dire une énigme. On voulait agir sur elle par la surprise. Quelle serait cette surprise? Tout était là. Elle n'avait qu'à attendre. À 2 heures, elle serait fixée. Les minutes, les heures s'écoulèrent lentement. Enfin, le moment approcha. Elle ne quitta plus la pendule des yeux. 2 heures sonnèrent. Puis les aiguilles marquèrent 5 minutes, 1 quart d'heure, 20 minutes. Elle alla se coller le visage contre la fenêtre qui ouvrait sur la cour. De là, elle le verrait arriver. Mais bientôt la honte la prit. Et quoi? Elle en était venue à ce point de guetter son arrivée? Elle alla s'asseoir et ne voulut même plus regarder la pendule. Bientôt, la porte de la cour retomba dans son cadre. Quelqu'un venait d'entrer. Lui, sans doute. Elle ne bougea pas. La porte s'ouvrit brusquement et la femme de chambre entra, en courant. « Madame ! » s'écria-t-elle. « C'est !» Mais Charlotte n'en entendit pas davantage. Par la porte ouverte, elle venait d'apercevoir dans le vestibule Emmanuel, son mari. Elle demeura immobile, mais lui accourut les bras ouverts pour l'embrasser. Elle recula d'un pas, et fléchissant les jambes, elle tomba à ses genoux. Dans une étreinte puissante, il la releva vivement et la tint serrée sur sa poitrine. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi sans parler. Enfin, il l'obligea, doucement, à relever la tête. « Regarde-moi donc, » dit-il. « C'est bien moi, moi ici, dans ma maison, près de toi, près de ma femme. » Puis, jetant les yeux autour de lui, « Remercie-le donc, » dit-il, « c'est à lui que je dois ma délivrance. » La première pensée de Charlotte, en entendant ces paroles, fut de croire qu'il déraisonnait. Mais ayant levé les yeux, elle aperçut Georges, qui était resté dans l'embrasure de la porte. Si elle avait été stupéfiée à la vue de son mari, elle fut glacée à la vue de Georges. Le sang s'arrêta dans ses veines et elle resta la bouche ouverte, les yeux fixes. « Eh bien oui, » continua Emmanuel, « c'est lui qui est venu m'arracher aux soins du docteur Bergerès. Sans lui, je serais toujours dans cette maison infernale. J'avais beau leur dire que j'étais guérie, ils me répondaient avec une compatissante pitié que j'avais encore besoin de leurs soins. Ils tenaient à me garder, ma pension était bonne à toucher. Toi-même, pauvre femme, tu aimais mieux croire le docteur Bergerès que me croire moi-même. Ce n'est pas un reproche que je t'adresse. Tu t'en rapportais au médecin, au père Portail. C'est bien naturel. Est-ce curieux? Quand j'ai commencé à être malade, personne ne voulait croire que je l'étais. Quand j'ai commencé à être guéri, personne n'a voulu croire à ma guérison. Lui seul m'a cru. Il est venu à mon secours, et Bergerès a bien été obligé de me cacher le gredin. Mais ne parlons pas de cela. Remercie-le plutôt. » Disant cela, il alla prendre Georges par la main et l'amena devant Charlotte, qui, malgré ses efforts, ne pouvait pas se remettre. « Et quand je pense, continua-t-il, en s'adressant à Georges, que je me suis imaginé pendant un moment que tu m'avais fait enfermer, enfin tout cela est fini, bien fini, heureusement. » Il avait débité ces paroles d'une voix saccadée, avec des gestes nerveux, le regard brûlant. « Maintenant, dit-il, en s'adressant à sa femme, envoie-moi, je t'en prie, chercher un coiffeur. Je suis dans un état horrible. Je veux que tu retrouves ton mari. » « Je vais m'habiller. Tu entends? Un coiffeur, pas un barbier. Parce que barbier, chirurgien, médecin, c'est tout un. et je ne veux pas qu'il entre un médecin ici. Ah non, ah non, non, non !» Il passa dans son appartement et les laissa seuls. « Vous voyez, » dit Georges, en s'approchant d'elle et en parlant bas, « vous voyez que vous pouvez ne pas mourir. Aux yeux du monde, vous avez le droit maintenant d'avoir un enfant. » Elle le regarda, tremblante et perdue. « Puisque vous avez un mari, » dit-il. Elle recula jusqu'à la cheminée et poussa un cri étouffé. « Ah, oh, c'est infâme !» dit-elle. « Infâme !» Il fallait vous sauver. Un seul moyen se présentait. Je l'ai pris. « Me sauver ? Vous empêchez de vous tuer, si vous voulez. Et maintenant, vous ne vous tuerez pas. Et c'est vous qui l'avez fait mettre dans cette maison de santé ? Je vous ai donné le conseil de le placer dans cette maison quand il ne s'agissait que de lui. Je l'en ai fait sortir quand il l'a fallu, pour vous. Et lui ? Eh bien, ne sera-t-il pas mieux près de vous que dans cette maison où l'on ne le guérissait point ? Vous avouez qu'il n'est point guéri, et vous voulez qu'il reste libre ? Et si ce que les médecins nous faisaient craindre se réalise, si dans un accès de délire, elle baissa la voix, il se tue ? Vous veillerez sur lui. Et s'il trompe ma surveillance ? Eh bien alors, vous serez veuve. Ah ! Mon Dieu ! S'écria-t-elle, dans un mouvement d'indignation. « C'est vous qui parlez ainsi, vous ?»« Je vous aime. »« Eh bien, » dit-elle en marchant jusqu'à lui, « je vous jure. » Elle étendit la main au-dessus de sa tête, « que si jamais je suis veuve, je resterai veuve. » À ce moment, la porte de l'appartement d'Emmanuel s'ouvrit. « Eh bien, » dit celui-ci, « et ce coiffeur, vous m'oubliez donc ?» Fin de la section 57.